y a l'amour sur la terre, sur la terre. Dans mes rêves, il y a la mort qui alterne avec la vie. Il y a l'humour parce que j'en ris. Il y a les gens qui fuient l'horreur et tout devient terne. Il y a la haine qui disparaît. Il y a les hommes qui deviennent moins bêtes et devant la fin se disparaît. Dans mes rêves, c'est l'anarchie parce que c'est l'inconscient qui parle. C'est le bonheur supplantant le mal. À mon réveil, c'est le bien qui part. Dans mes rêves, les différences n'existent plus. Dans mes cauchemars, ce sont les anges qui s'avèrent corrompus. J'ai fait un rêve, celui où l'égalité prime, où la fraternité prône, où la liberté rime. Avec la vérité, on a mérité nos vies. À mon avis, on est coprémices de l'humanité. On a hérité des guerres, des idées malsaines, des génocides et de la sévérité de nos gènes aussi. Dans mes rêves, un retour sur ma vie et des regrets en masse. Ouvrir les yeux quand je me voilais la face, c'est la même pour tous. Repenser aux faits, le bon comme le mauvais. Courir après nos erreurs jusqu'à être essoufflé. C'est pas que ça changera nos vies, ça on le sait. Mais y penser ou en parler, c'est sûr, ça fait du bien aussi. Se pardonner et être en paix avec sa conscience. Ou ressasser et être en guerre, et ouais, chacun son sens. La joie le jour avant que tout s'éteigne. Et la peine la nuit pendant que la lune est pleine. C'est ça ou l'inverse. Et il pleut à verse dans nos têtes. Ce qui s'écrit est gris et nos ennuis nous bercent. On aurait tous aimé faire mieux. Et même si c'est pas trop ça, on se rattrapera avant de se faire vieux. Montrer le meilleur de nous pour enfin s'éteindre en paix. Et n'oublie pas qu'il faut parfois échouer pour réussir après. Dans mes rêves, c'est l'anarchie parce que c'est l'inconscient qui parle. Dans nos rêves, dans nos rêves, dans nos rêves. C'est le bonheur supplantant le mal. À mon réveil, c'est le bien qui part. Dans mes rêves, dans mes rêves. La joie le jour avant que tout s'éteigne. Dans mes rêves, dans mes rêves, dans mes rêves. Et la peine la nuit pendant que la lune est pleine. Il y a la haine qui disparaît. Dans nos rêves, dans nos rêves. Ce qui s'écrit est gris et nos ennuis nous bercent. Dans mes rêves on parle de sentiments. Dans mes rêves on parle à cœur ouvert et sentirement. Dans mes rêves l'argent n'est pas une priorité. Pour s'en sortir on a réorganisé la société. On défavorise plus les faibles mais ça c'est dans mes rêves qu'on équilibrera le pouvoir d'achat. Dans mes rêves la politique n'est plus un leurre. Les religions n'existent plus et il n'y a plus de malheur. On s'entraide, on se fixe des objectifs réalisables. Je parle pas d'économie mais de buts qui ne sont pas impossibles. Dans mes rêves y'a pas d'espèce qui est pris pour cible. Y'a juste du bonheur dans chaque foyer, impérissable. Dans mes rêves, je n'ai plus de poisse. J'analyse plus ce monde et ses hommes. Je me demande plus qu'est-ce qui se passe. Regretter sa vie ça sert à rien, mais ça soulage de faire le vide. Quand l'envie de réussir nous rend tous avides. Devant l'argent on salive, dans nos rêves des choses inaccessibles mais qui nous poussent à vivre. Et chaque nuit c'est le cœur qui parle, nos têtes qui s'en mêlent, nos joies, nos peines et nos remords si sales. Ce qu'on aurait voulu être ou éviter, à l'abri du temps, une seconde vie sans être limité. Des choses si belles qu'on aimerait voir en vrai, mais chaque matin la vie nous ouvre les yeux et vient nous les enlever. Le cœur redevient pierre et notre bon côté c'est pire. À terme tout redevient terne et nos espoirs tombent à terre. La nuit approche et tout à rebâtir, notre univers de paix et de joie pour mieux repartir. Endormi, la vie nous observe, vivre la nuit en poursuivant nos rêves. Dans mes rêves, l'argent n'est pas une priorité, priorité. Dans nos rêves, dans nos rêves, on se fixe des objectifs réalisables. Dans mes rêves, dans mes rêves, des choses inaccessibles mais qui nous poussent à vivre. Je parle pas d'économie mais de buts qui ne sont pas impossibles. Dans mes rêves on parle de sentiments, de sentiments. Endormi, la vie nous observe, vivre la nuit en poursuivant nos rêves, en nos rêves, en nos rêves, en nos rêves, en nos rêves.